Maintenant, la pratique, ouais. Rien de mieux que la pratique, ouais. Pour rendre pratique une leçon. Pour préparer son voyage astral, il faut être seul, ouais. Il faut être dans un endroit propice, calme. Un endroit où nous ne risquons pas d'être dérangés, ouais. Vous devez exécuter tout ce que je vais dire en même temps que je vais le dire, ouais. Donc, trouvez cet endroit. Votre chambre, bien. Une autre pièce, pas de problème. Ouais. Dans le début, parce que la majorité des êtres humains ont un intellect qui bloque totalement l'intuition et qui instruit l'ego d'une forme de médiocrisme, vous devrez travailler avec votre imagination. Ouais. Vous devez comprendre que le monde astral est le monde de la pensée, le monde de l'imagination, et que tout ce qui a été créé dans la matière provient de la pensée, ouais. Ce n'est pas parce que vous vivez quelque chose dans la pensée ou dans l'imagination que ce que vous vivez n'a pas de puissance. La maison que vous habitez a été pensée avant d'être créée, ouais. Je répète ce que j'ai dit lors du premier enregistrement. Vous ne devez pas intellectualiser ce cours. Ouais. Et vous devez obligatoirement, avant de poursuivre sur cet enregistrement, avoir écouté tous les enregistrements précédents. Ouais. Et vous devez avoir compris ce qu'il vous enseignait, ouais. Pour préparer son voyage astral, il faut être capable, dans son imagination, de recréer exactement le décor de la pièce que vous aurez choisie, ouais. Autrement dit, pendant les premières pratiques, vous devrez travailler dans la même pièce, toujours. Nous allons prendre comme exemple votre chambre parce que c'est utile d'apprendre à voyager dans l'astral pendant le sommeil. Ouais. Il n'est pas nécessaire de voir son corps astral. Mais je vais quand même vous expliquer deux techniques. Vous pourrez pratiquer l'une et l'autre. Vous choisirez. Ouais. La première sera l'extra-conscientisation directe de votre conscience astrale hors de votre corps physique, sans vivre ce que la tradition appelle l'impression de sortie en astral. Ouais. Pour cela, vous devrez visualiser, apprendre à connaître la façon dont votre lit et votre chambre sera visible dans le monde astral. Éteignez cet enregistrement et recommencez à l'écouter lorsque vous serez prêt dans le lieu confortable que vous aurez choisi. Ouais. Éteignez-le. Vous devez, pour entreprendre ce premier voyage astral, mémorisez la structure même de votre pièce. Vous devez monter sur votre lit, debout, au pied du lit. Faites ce que je dis. Au pied du lit. Regardez le lit. Parce que c'est de cette façon que vous devrez le visualiser lors de votre première sortie. Ouais. Lorsque vous sortirez de votre corps la première fois, vous devrez être capable de revoir votre lit. Votre corps sera dedans, mais il sera facile à rajouter dans l'imagination, moi. Rappelez-vous qu'un voyage astral est une extra-conscientisation dont la conscience est à plus de 70% dans le monde astral. Donc, dans le début, cela ressemblera à de l'imagination. Progressivement, cela ressemblera à des rêves éveillés. Et par la pratique, cela deviendra le voyage astral. Ouais. Observez votre chambre, le lit, les meubles autour, à gauche, à droite, le nombre de prises de courant, les lampes. Les objets sur le bureau, par terre, la fenêtre, la porte. Observez tous les détails. Ouais. Prenez le temps de bien faire cela. Ouais. Vous devez apprendre à visualiser votre chambre clairement. Voici comment. Ouais. Observez votre lit du haut de votre lit, car vous êtes toujours debout, au pied. Même si ça brasse, restez sérieux. Observez le lit. Fermez les yeux. Visualisez le lit. Recommencez. Observez le lit. Fermez les yeux et visualisez-le. Faites cela jusqu'à ce que la visualisation soit claire et persiste au moins une minute. Faites-le, vous aurez des résultats. Ouais. On éteint l'enregistrement. Ouais, ici. Et on visualise le lit. Ouais. Vous devez, après avoir appris à visualiser votre lit, visualiser le reste des objets de la pièce et le reste des détails de la pièce. Vous devez prendre le temps de bien faire ce que je dis. Visualisez la porte. Cela veut dire observer la porte. Fermez les yeux. Visualisez la porte. On éteint l'enregistrement et on pratique. On doit visualiser la fenêtre, les meubles, chaque partie et chaque objet de la pièce de la même façon. Vous devez éteindre l'enregistrement. Et lorsque vous aurez une visualisation claire de votre chambre, alors vous reprenez l'écoute de cet enregistrement. Ouais, ouais. N'allez pas trop vite. Faites bien. Ouais. Vous devez avoir réussi à visualiser convenablement les parties de votre chambre. Ouais. Sinon, plus long sera le travail lors du premier voyage. Ouais. Vous devez comprendre que l'imagination est de l'imagination, mais que la pensée est aussi de l'imagination. Ouais, de l'imagination coordonnée. Imaginez le fictif, ouais, de l'astral. Imaginez le réel, encore de l'astral. Et la pratique vous permettra de choisir entre le fictif et le réel, ouais. Mais pour cela, il faut commencer quelque part. Abandonnez toutes les vieilles théories de l'astral. Libérez votre esprit. Visualisez la chambre. Ouais. Et vous serez prêt à votre premier voyage dans le monde de la mémoire, dans le monde astral. Ouais. Visualisez bien votre chambre avant d'écouter l'autre côté de cet enregistrement. Nous voici rendus à la pratique du premier voyage astral. Vous devez avoir écouté tous les enregistrements précédents. C'est important, oui. Et vous devez en avoir compris l'essence, oui. Vous vous couchez. Vous devez trouver une position confortable qui ne vous endormira pas trop vite, mais qui ne vous obligera pas à bouger constamment. Oui. Faites. Trouvez. Vous devez pratiquer ce que je dis en même temps que je le dis. Oui. Je dirigerai avec vous cette première sortie, ou pour plusieurs, hélas, cette première tentative de sortie. Mais vous devez pratiquer et repratiquer cet enregistrement tant que vous n'aurez pas atteint le résultat, c'est-à-dire une sortie astrale dans votre chambre, tant que vous n'aurez pas suffisamment de conscience dans le monde astral, dans la mémoire de votre chambre. Mais vous devez faire attention pour ne pas imaginer, conceptualiser d'une façon erronée ce qu'est le voyage astral. Ce n'est pas tout à fait comme lorsqu'on est présent dans sa chambre avec son corps physique. Étant donné que la majorité, vous n'avez jamais fait de voyage astral consciemment, vous devez abandonner toute forme d'idée de ce que ça peut être, parce que les concepts erronés peuvent vous empêcher de gagner l'astral et de réussir ces voyages uniquement parce qu'au lieu de faire ce qu'il se doit d'être fait, vous rechercherez à faire ce que vous croyez qu'il faut faire. Ouais. Vous êtes couché. Détendez-vous. Ouais. Ouais. Prenez quelques grandes respirations. Ouais. Ouais. Relaxez. Ouais. Vous allez maintenant vous étirer. Étirez votre corps. Ouais. Étirez-vous. Ouais. Plus le corps est confortable, moins il attire la conscience astrale vers lui. Ouais. Cela facilitera le voyage. Maintenant, vous allez lentement imaginer que vous avez un bras astral, c'est-à-dire que dans votre bras de chair, il y a un autre bras d'énergie. Ouais. Et vous allez bouger ce bras d'énergie, c'est-à-dire que vous allez plier, fermer la main, mais pas la main de chair, la main imaginaire. Ouais. Lorsque vous le faites, vous devez la sentir bouger. Ouais. La main d'énergie. La main imaginaire. Ouais. Pliez lentement le bras imaginaire. Exactement comme si vous faisiez des exercices. Ouais. Ouais. Pliez encore. Vous devrez pratiquer jusqu'à ce que vous le sentiez bien. Mais n'éteignez pas l'enregistrement. Poursuivons. Ouais. Ouais. Vous devez faire la même chose avec l'autre main. Ouais. Sentir une main imaginaire, une main d'énergie dans la main de chair. Et la plier, ouais. Faire la même chose avec le bras, ouais. Déplier, plier. Vous devez réussir, ouais. Vous devez faire la même chose avec votre pied droit. Vous le bougez, le pied imaginaire. Ouais. Et lentement, vous tentez ou réussissez à sentir bouger la jambe imaginaire. Ouais. Faut recommencer avec l'autre pied imaginaire et vous le bougez. Ouais. Bougez aussi lentement la jambe. Ouais. À gauche, à droite. Plier, déplier. Très bon exercice, ouais. Pour pratiquer le voyage astral. Et pour augmenter l'état de conscience plus tard dans vos voyages. Maintenant, cessez de bouger votre corps d'énergie, ouais. Relaxez. Vous devez placer votre attention dans votre tête. Ouais. Et dans votre tête, vous devez visualiser votre lit. Comme quand vous vous teniez debout à son pied. Visualisez le lit avec votre corps dedans. Ouais. Comme quand vous vous teniez debout au pied du lit. Ouais. Vous devez visualiser. Mais vous ne devez pas réfléchir sur la visualisation. Vous ne devez pas observer que vous visualisez. Vous devez observer le lit. Ouais. Ne revenez pas sans cesse dans votre corps. Au pied du lit. Visualisez le lit. Votre corps est dedans, ouais. Au début, l'imagination est le maître. Ouais. pratiquer. Vous devez visualiser le lit et ne pas sans cesse revenir dans votre tête. Vous devez faire exactement ce que je dis. Et si vous ne réussissez pas tout la première fois, ce n'est pas grave, car vous recommencerez cette pratique autant de fois qu'il le faudra. Ouais. Après avoir visualisé votre lit, avec votre corps dedans, vous devez visualiser la porte de la chambre. Ouais. Les meubles de la chambre. Ce qui se trouve sur ces meubles, ouais. Cheminez dans votre visualisation et observez toute la chambre, toutes les parties et tous les meubles de la pièce. Ouais. Ne revenez pas sans cesse dans votre corps. Observez la visualisation. Observez la chambre, ouais. Observez les détails. N'essayez pas de percevoir un corps astral. Ça complique les choses. Si vous en percevez un, ça ne dérange pas. Si vous n'en percevez pas, ça ne dérange pas. Observez. Visualisez. Les détails, les objets de la chambre. Observez votre lit avec vous dedans. Ouais. Vous devez refaire cet exercice aussi longtemps qu'il le faudra pour avoir une vision très claire et très nette de la chambre. C'est important. Ne pensez pas à aller trop rapidement. Et lentement, pour revenir dans votre corps, deux possibilités. Vous perdez la conscience du voyage, donc vous vous endormez et vous vous réveillerez normalement plus tard. Ou bien, vous devez revenir dans votre tête. Vous devez réfléchir sur le voyage. Ressentir votre corps physique et votre corps imaginaire. Lentement, vous le bougez. Vous vous étirez et vous êtes revenu. Ce n'est pas un petit voyage astral. C'est le début de grands voyages. Ouais. Pratiquer égale succès.